fumais-tu? Oui, mais pas autant que l'amour. Marlène Tessa Mbokani, une femme glamour. Le rêve des rêves. Passé en version na yembi Marlène Tessa. Merci Mbokani, miaouna yebini ni pourquoi soukaye. Poso qui va croiser nenanze la faux moi bitumba. Charité à des bailleurs. Présence à Marlène et Silissa Marquers. La condima qui n'a sans santé, sa moi si quito, oisala. Jenny Cavalli, toi. Eliel Kalom. Olambo Kani. Jason Chiluis. Balambi, Balambi. Pachel Ibombo les sages. Willis Kezi. Marlene. Rolf Elé, Fiston Yangani, Gay Mamadou, la bière internationale, Michael Durand et toi, garçon 7 étoiles. Des amours n'ayant si clair, plus que tout, oui. Chris et Luna. Oh, maman, la dièse. Vous allez chercher ma pièce unique, gouverner par les marques de sa parmi ma richesse à pays. Batio Molongo, mon corps. Batio Molongo, mon corps. Ingénieur Rafungindo, Emeline Makebe Libertis, Chris Amissi. Romeo na Juliette Balingana, Batika Histoire Kasi Bakosa. Bosco. Kaya Marlene, c'est combien de veines, Nade Merci Bokanine. Pekinia Tati. Il faut faire Batika Histoire, Batiti Ramoure, Batanga Bambo Wata. Je merci à si à mes sénats dans le comportement, Marlene Tizanaye. Ma caprice pour moi si elle va trois jours à bout de libella maman. La CA Kwitian Pongi sans le savoir y'a moins de vinaye. Lolo Chimalanga. Jouka Bamba. Regarde-moi éclair, croise-moi rayon solaire la miroir. Aurélie Malela. Les amours n'aillent si clair, plus que tout fruit. Régène Longa au savoir. Ma pièce unique. Gouverner mes remarques et cause parmi ma richesse à pays. Batia mon nom, mon corps. Batia mon nom, mon corps. Batia mon nom, mon corps. Maman Bradley. Jojo mon cœur, la joker. Cosette Amis. Jess Armand de Madrid. Hervé Christy Bombat. Les on a comme un écola bolingo non arrêtar Marlène. Histoire bolingo na yo plus que cinéma ya Titanic. Radio victime à bolingo Marlène. Chancel Mbemba. Section d'amour, couture dans la carte on vende. Pona baki samayela pour vandana desai. Giraldine Suika. Malore un examen de tanadini. Faut vous dire ma bolingo. Cécile Omari. Tantine Maya. Grâce à Missy. Grâce à fidélité, fallait délibérer. Attends, cours à tendresse, la douceur. Junior Massaro. Cours à patience, amour. Yoko qui condima. Kope sa ya yo bomoy. Soke lo kolunga. Keke y kotabawa. Michel Gamero. Shakespeare à la kissa mona Romeo et Juliette. Kevani Isinga. La ralou mumba te kasina kufi martira rolingo no ama membo kani. Gelon pete mon colonel. Pour que je sèche de la mesure, en besoin de ta présence. Prenez-moi, prenez mon corps. Ah, ami son horizon. Est-ce que mon colo a les loyers à l'issue sous rendez-vous manqué? Tony Mukadi. Gaël Yimbi. Est-ce qu'il n'y a de pédale pour que vélo et tambola Marlène? Comme un oiseau dans la canade, besoin de ma papou. Pour Abimboye, Françoise Besoin. Frélie Okunji. Des assents, toi, n'as pas moyen. bato pour komata kingate zongisa makanisi na sima bolingwe za bilela ko babani yamisa to kota te ko risque mo kwa tondate a tout jamais papa tutu na siagi to Serge Magui Macintosh je des larmes aux yeux Marlène avant moi non ça lingai ko compliqué d'existence na mana mokili ah ko perturber tes pas prochain yon soda femi Gladys Isinga, maman Angélis et Teresa. On s'en rappelle, on s'en rappelle, on s'en rappelle, on s'en rappelle, on s'en rappelle, on s'en rappelle, on s'en rappelle, on Serge Kanyama Lucien Sisangali Mabela Gilles Matika Emi Clara et Virginia Platiusé Willy Kaembe Maman Kota Angélique Maman Agnès Waimboka Maman Wambongezo Nabolo Simboka Piro Lwabea Aurélie Lafriandise Junior Yombo Kerlin Kaloudji Christian Salawa Blaise Otchudi Rodrigue Antouf